la vie sur un bateau blanc. J'avais un ami dont je rêve souvent. Ses cheveux de blé, ses yeux à l'infini racontaient l'été de son beau pays. L'eau de la rivière nous menait jusqu'à la mer. On s'est arrêté sous l'arche d'un pont pour aller danser dans les champs de coton et les gens du coin qui fêtaient la Russie. Trois années de plus n'ont pas effacé le charme imprévu de cette fin d'été. Le temps nous sépare, ils sont bien loin d'ici. Les trains et les gares de son bon pays. Et quand je m'endors, aujourd'hui j'entends encore chanter les violons de la Géorgie.